deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée au rapport que l'homme entretient à la consommation de la viande. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, en ouverture de cette série de La Fabrique de l'Histoire, nous avons évoqué l'histoire des relations de l'homme aux interdits alimentaires, en particulier quand il s'agit de consommer du porc ou du lièvre. Demain, notre émission s'intéressera au cannibalisme et à l'anthropophagie. Et jeudi, nous nous demanderons s'il y a la possibilité de faire une histoire de la découpe des animaux. Aujourd'hui, le documentaire signé Anaïs Quien et Thomas Duterre nous rappelle un moment célèbre de l'histoire de France, le siège de Paris en 1870 et la consommation forcée par tous ceux qui étaient enfermés dans Paris d'animaux qu'on ne consomme pas habituellement, les éléphants du Jardin des Plantes ou encore le rat. C'est un documentaire jusqu'à 10h dans La Fabrique de l'Histoire avec les analyses de Laure Godineau, de Jean-Michel Derex, de Jean Vito et de Pierre-Louis Poyot. Festin de siège, Paris, 1870. La viande dans tous ses états. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Thomas Duterre. À ma sœur Georgine, souvenir de l'année 1870-1871. Je suis bien peinée, ma petite sœur, de ne plus pouvoir t'écrire. Aussi, je veux, à partir de ce jour, faire un journal à moi, dans lequel je mettrai mes pensées, mes impressions, mes espérances, mes déceptions, enfin, tout ce que je te dirais tous les jours si je t'écrivais. Ce sera un recueil de lettres qui, au lieu d'être envoyées à Arcachon, resteront dans mon tiroir jusqu'à ce que je puisse te les donner. Ce sera un souvenir de notre longue séparation et de cette affreuse guerre de 1870. La France est en guerre, l'Empire s'effondre, Napoléon III, capturé par l'armée prussienne, est destitué. La République est proclamée en urgence. Paris est encerclé, coupé du monde pendant plus de 4 mois. On communique au moyen de ballons, de pigeons avec l'extérieur. On vole les lattes des bancs publics pour se chauffer. À Paris, on mange de la viande et on y tient. Les Parisiens mettent en place des stratégies pour fournir leur modeste table quotidienne, aussi bien que les grands restaurants. Le rat, le cheval, le chien, le chat, l'âne, l'ours, l'éléphant et même la gazelle sont mis à l'honneur dans les assiettes, élaborant ainsi une gastronomie de siège. Depuis lundi, nous sommes cernés, investis de tous les côtés. Nous voilà prisonniers. Combien de temps durera notre captivité, nous l'ignorons. Et tous les jours, sur différents points, on entend gronder sourdement le canon. Hier, on pouvait facilement compter les coups. On frissonnait en pensant aux malheureux qui étaient atteints. Il a couru dans la journée des bruits de succès assez importants. Monsieur dit à Jules sur les 3 heures qu'on leur avait pris 40 mitrailleuses. Et sur les boulevards, on avait fait, disait-on, 25 000 prisonniers. Mais hélas, tout cela était faux. Ce matin, le journal officiel ne parle que de 400 Prussiens tués ou blessés et quelques prisonniers. Déjà une déception. Et combien en compterons-nous encore comme cela? Je suis tout étonnée de mon calme, moi qui m'effrayais tant à l'idée du canon. Je commence à croire que l'on s'habitue à tout. siège commence en septembre. Les trains d'approvisionnement arrêtent de passer à partir du 17 parce que les Allemands coupent les lignes ferroviaires tout autour de Paris. Pierre-Louis Pouillot. Et les armées allemandes commencent le siège le 19. Pendant les deux premiers mois, comme on a beaucoup de réserves de farine et de blé, on ne souffre pas particulièrement de la faim, parce que les rations en pain sont quasiment normales. Les rations en viande sont à peu près normales aussi. Et on avait aussi fait quelques stocks, même si on ne s'attendait absolument pas à ce que Paris puisse être assiégé. Et puis on a dû installer dans la précipitation des moulins dans Paris même, pour moudre le blé, donc ça a été fait en l'espace de quelques semaines. Ce qui permettait de produire environ 3000 quintaux de farine par jour et donc de subvenir plus ou moins aux besoins de la capitale. Comment vont réagir les pouvoirs publics ? Alors, les pouvoirs publics ne sont pas excessivement inquiets par la raréfaction progressive des denrées puisqu'ils estiment qu'on peut encore tenir plusieurs mois. Ils sont surtout inquiets par le fait que les gens supportent mal une diminution des rations. Il y a une tradition en France et surtout à Paris qui voit les populations réagir souvent très mal à ce genre de choses, à ce genre de pénurie, parce qu'elles estiment avoir un droit à l'alimentation et que si ce droit est bafoué, elles estiment être elles-mêmes en droit de se soulever. Donc les pouvoirs publics sont extrêmement inquiets à l'idée que ce genre de phénomène puisse se reproduire. Nous entrons à Paris marchant en colonne sur quatre de front. Nos clairons sont muets et l'on nous recommande le silence le plus absolu. Sur notre passage, pas de curieux, pas un cri. Un défilé de fantômes dans une ville endormie, telle est notre marche silencieuse à travers les rues de la capitale. Nous suivons les boulevards jusqu'à la fontaine Saint-Michel, où notre compagnie s'arrête. Et l'on nous délivre des billets de logement. Le mien est pour le boulevard Saint-Germain, chez M. Milius. Je m'y rends aussitôt afin de déposer mon bagage. La bonne me reçoit et me conduit à l'appartement qui m'est destiné. Très jolie chambre située au troisième étage et ayant vue sur le boulevard. Dimanche, 25 septembre. Quoique bloqué, Paris a le même aspect qu'autrefois. Il y a foule dans les rues et sur les boulevards. Tous ces gens qui vont, qui viennent, n'ont l'air de se préoccuper nullement que dans un mois peut-être, on n'aura plus rien à manger. N'importe chez quel commerçant, on vous donne la moitié de ce que vous demandez. Triste, triste situation. Maudit Prussien. Mercredi 28 septembre, 2h. Depuis dimanche, je n'ai trouvé rien de bien intéressant à te dire. Tout est très calme, on n'entend plus le canon. Nous sommes dans l'attente d'événements graves, car on suppose que d'ici quelques jours, il sera porté de la part des Prussiens un terrible choc, auquel nous résisterons, il faut bien l'espérer. Ils établissent sur les hauteurs de Meudon, de Saint-Cloud, où malheureusement ils ont pu s'installer, des batteries formidables, et c'est de là qu'ils espèrent nous bombarder. Toutes les campagnes des environs de Paris sont maintenant ravagées, occupées par tous ces soldats ennemis. Et tous les habitants sont venus se réfugier derrière les remparts de la grande ville, qu'ils ne franchiront pas facilement. On dit aujourd'hui qu'il y a eu un combat du côté d'Orléans avec l'armée de la Loire, et que le résultat serait favorable pour nous. Mais ce n'est pas encore officiel. Paris est fortifié, donc c'est pas une ville si facile à prendre, et les Allemands attendent en fait que la France se rende, puisque de toute façon elle a pas les moyens de continuer la guerre. Donc ils s'estiment que c'est pas nécessaire de s'infliger une entrée pénible dans Paris, alors que la France est sur le point de s'effondrer. On pensait qu'il faudrait 1 million d'hommes aux Allemands pour assiéger Paris, alors qu'en fait les Allemands ils parviennent très bien avec 180 000 hommes. Dimanche dernier, nous sommes allés voir les fortifications que nous avons trouvées hérissées de canons, de pointes de fer, de branches d'arbres. Si les Prussiens veulent entrer d'assaut, ils trouveront de la résistance. Mais non, ils espèrent nous prendre par la famine. On va être rationnés pour la viande. Dès demain, 150 grammes par jour pour une personne. Puis, on diminuera graduellement la ration. La population parisienne mangeait pas mal de viande, et de même qu'elle était attachée au pain blanc. Quand le pain n'était pas assez blanc sous l'Ancien Régime, il y avait des émeutes. Jean Vitaux. Et à Paris, on mangeait de la viande, toutes sortes de viandes, y compris les abats et autres, qui étaient à l'époque beaucoup plus fréquemment mangés que de nos jours. Et le lard, ça faisait partie de la nourriture quotidienne. Dans les campagnes, on mangeait peut-être plus facilement le cochon, mais à Paris, on envoyait des troupeaux entiers qui arrivaient à pied à l'époque. Et Paris mangeait de la viande. Paris était surnommée la ville Gargantua. Viande vient à manquer, non pas à cause de l'impéritie des ministres, parce qu'un nommé Clément Duvernoy, qui était le ministre du commerce du dernier cabinet de l'Empire, c'est-à-dire du comte Palikao, avait tout acheté, tout ce qu'il pouvait acheter, qui venait à la fois de France et de l'étranger. Il avait fait rentrer un nombre de bétail sur pied considérable. Il y avait 120 000 moutons, 50 000 bovins, 6 000 porcs. Mais le problème, c'est que comme l'investissement de Paris par les Prussiens a été rapide, assez rapidement, on a manqué de fourrage. En plus, les conditions de stockage des bêtes n'étaient pas évidentes parce que les bois de Boulogne et de Vincennes étaient en partie désarmés parce qu'ils étaient sous le feu des canons et des forts. Et deuxièmement, il n'y avait pas assez de quoi nourrir toutes ces bêtes. Alors on les a entassées aussi dans le Luxembourg, sur les grands boulevards. Mais assez rapidement, elles ont été malades et en octobre, elles perdaient 2 kilos par jour sur pied. Et donc, on a été contraints assez rapidement de les abattre et de les transformer en viande salée, d'ailleurs de qualité, semble-t-il, assez moyenne d'après les contemporains. On a dû rationner la viande début octobre, le 6 octobre, à raison de 60 grammes de viande de bœuf ou de mouton par jour et par habitant. Huo, le boulanger de Grotz, est venu trouver Jules samedi pour vendre à ces messieurs un porc qu'un charcutier de ses amis a élevé. En cachette, bien entendu, puisque tous ces animaux ont été strictement réquisitionnés et il n'y en a plus depuis longtemps. Ce porc pèse environ 80 livres et il voulait le vendre 10 francs la livre. Mais en l'emmenant ici vivant, il l'aurait laissé pour 600 francs. Jules en a parlé à monsieur Émile qu'il aurait pris pour cette somme-là. Mais Huo, qui devait revenir chercher la réponse hier, n'est pas revenu. Il aura placé sa bête encore plus avantageusement. Quand on vous dira tout cela, vous ne le croirez pas, vous qui n'avez pas été bloqué. Vous ne croirez pas qu'un poulet gros comme le poing vaut 10 francs, et on n'en trouve plus, et que l'on paye une dinde ou une noix, quand on en rencontre, 150 francs. Madame Leclerc a vu vendre hier 2 gigots de mouton, pas très gros, 75 francs pièce. Un petit pied de céleri, 2 francs. Un oignon, 25 centimes. Un œuf, 1,75 francs. Un poireau, gros comme le petit doigt, 20 centimes. Un chou, gros comme le poing, 3 francs. Le sucre vaut 1,40 francs. On est venu offrir un lapin l'autre jour qui n'est pas d'une grosseur extraordinaire, 60 francs. Alors, on a critiqué les pouvoirs publics de deux façons. La première, c'est que Paris était beaucoup plus républicain que la province, et donc Paris s'était insurgé contre le fait qu'on puisse capituler devant les Prussiens. Donc finalement, on n'a pas tellement critiqué le gouvernement de ce point de vue-là, sauf la partie ultra-gauche qui deviendra la Commune plus tard, qui elle a réclamé assez tôt un rationnement de tout afin qu'on puisse tenir plus longtemps. Mais il y a eu quelques émeutes dites de pré-communes qui sont arrivées à ce moment-là, mais à part ça, les gens étaient assez patriotes et se sont assez peu plaints. Paris, à ce moment-là, est absolument gigantesque, puisque Paris compte 2 millions d'habitants. Sa population a doublé en 20 ans. Laure Godinot. Et il y a eu les travaux haussmanniens. Donc le visage de Paris a changé et est en train de changer. Alors au départ, les Parisiens, comme l'ensemble des Français, étaient favorables donc, à l'annonce de la guerre. Il y avait une ferveur patriotique. Et puis, les défaites s'accumulent et une partie des Parisiens, les plus riches, quittent aussi la ville devant l'avancée prussienne. Donc, au moment où la République est proclamée, en septembre, les Parisiens et une partie des Parisiens, notamment les ouvriers parisiens, veulent la déchéance de l'Empire parce que l'Empire a amené aux défaites. Déjà, ils s'étaient détachés de l'Empire, ces Parisiens, ils avaient voté républicain à la fin de l'Empire. Et donc, ils demandent vraiment cette déchéance du Second Empire. Et c'est sous la pression de la foule que la République est proclamée. Lundi 14 novembre. Je crois que la guerre va continuer, malheureusement. Voilà maintenant que l'on organise des compagnies de marche dans la garde nationale. On prend tous les hommes, mariés ou non, de 20 à 35 ans. On les mobilisera et ils marcheront au feu pour combler les vides qui seront faits dans l'armée. Les rations de viande deviennent de jour en jour plus petites. Aussi, depuis déjà longtemps, nous mangeons du cheval presque tous les jours. C'est très bon. Nous avons mangé de l'âne aussi. C'est encore meilleur. En 1867, on abat 2000 chevaux par an. Jean-Michel Derex. Pour 2 millions d'habitants, vous voyez que c'est pas beaucoup. 2000 chevaux, alors qu'on consomme 341 000 bovins, 1 700 000 moutons. Donc, la consommation équine, c'est 0,6% de la consommation bovine et c'est 0,08% de la consommation carnée. On a énormément de témoignages, Jean-Michel Derex, sur ce siège. Les Parisiens ont beaucoup écrit pour raconter leur expérience. Oui. Cependant, on a l'impression qu'il y a deux animaux que certains ont du mal à s'imaginer pour voir consommer, c'est la viande de chien et la viande de cheval. Deux animaux qui, peut-être, ont symboliquement une proximité très forte avec l'homme. Oui, alors, le chien, effectivement, il y a des tabous. On a très très peu mangé de chien, mais on a pu aussi manger de cheval. Et justement, le siège de 70, c'est un lieu peut-être charnière. Alors, le cheval, il y a des tabous religieux, il y a aussi des tabous sociaux, mais je dirais qu'au milieu du 19e siècle, c'est avant tout des tabous déjà sociologiques, psychologiques. On ne mange pas de cheval parce que le cheval, c'est la viande de l'horreur. Il y a ces chevaux qui sont utilisés dans les mines, qui sont utilisés pour le transport. Et lorsqu'ils sont à bout de course, on les envoie chez les carisseurs. Et où se trouvent les centres d'écarissage dans Paris ? Eh bien, c'est à Montfaucon. Dans l'imaginaire parisien, Montfaucon, c'est là qu'étaient situés au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les fourches patibulaires. C'est là que le bourreau allait mettre les condamnés de la place de Grève, on allait les jeter dans les fosses d'écarissage de Montfaucon. Et donc, c'est la chair de l'horreur. Donc, tout ça n'incite pas véritablement à consommer du cheval. Il y a bien sûr Ferry, qui est maire de Paris à partir du mois de novembre. De nombreux qualificatifs sont attribués à Ferry en liaison avec cette famine. Donc c'est Ferry famine, c'est le pain Ferry, donc le pain qui est détestable. Laure Godinot. Mais en ce qui concerne les autorités municipales, c'est un peu différent parce qu'en fait, dans ce siège, les mairies d'arrondissement jouent un très grand rôle. Par exemple, ce sont elles qui mettent en place des boucheries municipales. Boucheries, donc, où les Parisiens se rendent avec donc le droit d'avoir telle ration de viande par semaine. Et ces boucheries sont surveillées par des agents des mairies. Il y a des queues pour obtenir un certain nombre d'aliments, mais il n'y a pas d'émeute de la faim. Assez rapidement, on en est venu à remplacer le bœuf par le cheval. Jean Vito. On a mangé beaucoup de cheval à Paris pendant le siège, puisqu'on estime qu'il y en avait plus de 100 000 au départ, et qu'à la fin, il n'en restait que 33 000, qui étaient essentiellement les chevaux de guerre et les chevaux nécessaires pour le fonctionnement minimal de Paris. Alors, on a mangé les chevaux. Même les chevaux qui étaient abattus lors des actions militaires. On raconte que à la Villette, au mois de janvier, un cheval étique s'est effondré, il a été dépecé par la foule. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a fini par rationner de façon importante la viande de cheval, puisqu'à la fin du siège, la ration était de 30 grammes par personne et par jour, y compris les eaux et les déchets. Il y avait du boudin de cheval, du saucisson de cheval, de l'andouille de cheval, où on mettait à peu près n'importe quoi. Haricots de cheval. Prenez de la viande de deuxième ou troisième catégorie, coupez en petits morceaux, faites revenir dans de la graisse, retirez la viande, faites un roux, ajoutez de l'eau ou du bouillon, sel, poivre, bouquet garni, ail et persil haché. Remettez la viande et, quand elle est à moitié cuite, ajoutez pommes de terre, navets ou carottes et laissez bouillir à petit feu jusqu'à cuisson entière des légumes et de la viande. Là, j'ai pris citation d'un interne des hôpitaux de Paris qui écrit le 25 décembre. Et voilà ce qu'il dit. Jean-Michel Derex. J'ai mangé de tout. Du cheval, du mulet, du rat, du chien, j'ai trouvé tout cela très bon. Je me promets de vous faire manger les salmis de rat, c'est excellent. Et puis il y a aussi, dans Choses Vues, il y a Victor Hugo qui, le 30 décembre, note « Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons, c'est peut-être du chien. » Et on ne sait plus trop. On est dans l'aventure, on ne sait plus où on va. Là, les codes alimentaires sont cassés. Il dit « Je commence à avoir des maux d'estomac. Nous mangeons de l'inconnu. On découvre. » Je me souviens qu'un jour que je passais sur le boulevard Sébastopol, un homme, au coin d'un trottoir, étalait une grande toile sur laquelle il avait déposé une quantité de boîtes de conserve. Aussitôt, il se forma un grand cercle autour de lui. Il fit un boniment de camelot, et chacun d'acheter de ses boîtes. Moi, je fis de même.

il n'y en a que trop, assurément. Mais en ceci, comme en beaucoup de choses, l'initiative de citoyens multiplie infructueusement et puérilement les vexations arbitraires. Les passants sont inspectés par des regards ombrageux. J'ai vu ces jours-ci une femme d'une trentaine d'années, victime de ces soupçons. Comme elle passait sur le trottoir assez rapidement, un citoyen lui trouvait la démarche virile. Il communiqua sa remarque à un autre citoyen qui l'approuva. On la conduisit jusqu'à un établissement de bain où l'on ordonna aux filles de service de vérifier si les habits du beau sexe n'étaient point usurpés. Il paraît que la constatation lui fut favorable. Il y avait ce qu'on appelait des maraudeurs, des gens qui allaient cueillir les légumes et les pommes de terre dans le no man's land entre les forts français et les lignes prussiennes. Jean Vito. Et on a accusé certains maraudeurs d'aller vendre les journaux parisiens aux Prussiens, contre d'ailleurs parfois des légumes ou contre de l'argent sonnant et trébuchant, et qui revenaient avec un sac de légumes comme alibi. Et donc les Prussiens étaient totalement au courant de tout. Et les Prussiens pensaient que Paris était au bord de la famine la plus terrible, et c'est pour ça qu'ils ont attendu le moment propice pour déclencher le bombardement de Paris intramuros. Parce que le bombardement de Paris intramuros n'a commencé que le 5 janvier 1871. Avant, ils n'ont bombardé que les forts et les champs de bataille. Et ça a entraîné quand même quelques destructions, dont les serres du muséum à ce propos. Et le transfert d'une partie de la population de la rive gauche sur la rive droite. Restaurants sont restés ouverts. C'est eux qui ont bénéficié d'une part du marché noir, deuxièmement des rares approvisionnements disponibles. Il y a Voisin qui était rue du Faubourg Saint-Honoré, qui lui a servi en janvier de la viande d'éléphant. Il fait de la publicité, son chef Choron qui a laissé le nom à une sauce l'accommode, l'éléphant sauce chasseur. Brébant était un autre restaurant célèbre où Théophile Gautier et autres écrivains, également Hébrard, le fondateur du Temps, se retrouvaient et ont mangé pendant tout le siège. Et à la fin, en 72, ils ont émis une médaille en or où c'était marqué que pendant toute la durée du siège, ces 14 personnes avaient mangé sans jamais connaître la faim, ce qui a fait un scandale. Et un journaliste de l'époque a dit que ce n'était pas 14 beaux esprits, mais 14 estomacs. Menu du 25 décembre 1870. 99e jour du siège. Hors d'œuvre. Beurre, radis, tête d'âne farcie, sardines. Potage. Purée de haricots rouges au crouton, consommé d'éléphant. Entrée. Goujon frit, le chameau rôti à l'anglaise, le civet de kangourou, côte d'ours rôti sauce poirade. Rôt. Cuisseau de loup sauce chevreuil. Le chat flanqué de rat. Salade de cresson, la terrine d'antilope aux truffes, cèpe à la bordelaise, petit pois au beurre. Entremets, gâteau de riz aux confitures. Dessert, fromage de gruyère. on a mangé ce que l'on a appelé les viandes de fantaisie, c'est-à-dire le chien, donc le chat, et le rat. Et puis on a mangé les animaux du jardin zoologique. Certains, alors c'est Francisque Sarcey qui dit ça, que les populations bourgeoises se sont plutôt amusées à manger du chat, du chien et du rat, et que les aristocrates ont préféré les animaux du zoo. Rôti de chat. Mettez dans une casserole, avec beurre, lard ou graisse, oignon, gousse d'ail, poivre, sel, bouquet garni, et un verre de vin blanc ou de bouillon. Faites rôtir doucement et servez. Après avoir retiré la viande, on peut faire rôtir dans le jus des pommes de terre cuites à l'eau et coupées en dés, ou des carottes, des champignons, etc. Les animaux qui ont été débités dans plusieurs boucheries comme viande de fantaisie provenaient du jardin d'acclimatation. Les pensionnaires de ce jardin durent nécessairement être abattus, faute de vivres. Pendant plusieurs jours, la haute société parisienne put se croire transportée sous d'autres latitudes. Elle goûta, non sans quelques plaisirs, de la chair de l'antilope, du bison, du dromadaire, de l'éléphant, du kangourou, de l'ours et du rhinocéros, concouramment avec celle du cheval, de l'âne et du mulet. On commence par les petites bêtes. Le 21 octobre 1870, on va commencer par tuer les poules, les oies, les chevreuils, un cerf. Puis après, on va à des choses plus sérieuses. Le 24 octobre, on va tuer sillac, des zèbres, un buffle. Jean-Michel de Rex. En novembre, c'est le tour de l'antilope. Et puis la girafe, des petits sangliers, des rennes, trois cochons. Et puis à la fin de novembre, où là on va tuer Castor et Pollux, qui sont des animaux très très célèbres pour les Parisiens. C'est les deux éléphants du jardin d'acclimatation. Ces animaux qui ont mené pendant des années les petits Parisiens sur leur dos. Donc on va tuer Castor et Pollux, qui sont des masses de chair énormes, donc qu'on ne peut pas laisser en vie, et donc on va les tuer pour les manger. Donc on peut dire que fin décembre, il n'y a plus d'animaux, ni dans le jardin d'acclimatation, ni dans le jardin des plantes. Côtelettes de tigre, jambon d'ours, bosse de bison, pied d'éléphant à la poulette, filet de lama, entrecôte de chameau, rable de kangourou, civet de singe, serpent boa à la tartare, marinade de crocodile, fricassée de phénicoptère, grue de numidie à la chasseur, foie d'autruche truffée, chaud-froid de toucan et de camichi. Finalement, on lit très peu dans les témoignages sur ce siège de Paris de scrupules à manger ces animaux que parfois on a héroïsés dans la presse. Je pense à la girafe, je pense aux éléphants Castor et Pollux. On a la sensation que l'empathie vis-à-vis de l'animal est encore tout à fait absent. Oh, complètement. J'ai repris aussi un témoignage d'Edmond de Goncourt. Il est amusé. On est en décembre 1870. Et voilà ce qu'il dit. J'ai la curiosité d'entrer chez Ross. Ross, le boucher anglais du boulevard Haussmann, c'est le grand boucher à la mode. Et je vois sur toutes les dépouilles bizarres, il y a au mur, accroché à une place d'honneur, la trompe accrochée du jeune Pollux, l'éléphant du jardin de l'acclimatation, et au milieu des viandes sans nom et des cornes excentriques, un garçon offre des rognons de chameau. Voilà. Et puis alors là, c'est assez... C'est absolument délirant de voir les menus qu'on peut... Les cartes qu'on peut présenter à l'époque, il y a de la galantine de mufle, du gigot d'antilope, on mange du phoque, je peux aussi vous offrir du consommé d'éléphant, du chameau rôti à l'anglaise, du civet de kangourou, de la côte d'ours, sauf poivrade, de la terrine d'antilope aux truffes, tout ça, agrémenté avec du mouton Rothschild ou bien un Romain de Conti. Donc vous voyez, il n'y a aucune empathie, on n'est pas du tout... on n'a pas du tout cette sensibilité d'aujourd'hui, dire ces pauvres animaux. Et ça, pendant très très longtemps, et jusque dans les années 1960, il y a une mortalité très très importante dans les zoos. Personne ne s'en émeut, pour la bonne et simple raison, c'est que pour les Occidentaux, ces animaux qu'on va chercher au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie, eh bien ils sont renouvelables à profusion. Il n'y a pas du tout cette notion d'extinction possible. Donc c'est une richesse sans compter. Il n'y en a plus, on en retrouve. C'est 40 francs la livre pour le filet et pour la trompe. Oui, 40 francs. Vous trouvez cela cher ? Mais savez-vous que je ne sais pas comment je vais m'en tirer ? Je comptais sur 3000 livres et il n'a produit que 2300. Les pieds ? Vous me demandez le prix des pieds ? C'est 20 francs. Les autres morceaux, ça va de 8 à 40 francs. Ah, permettez-moi de vous recommander le boudin. Le sang d'éléphant, vous ne l'ignorez pas, c'est le sang le plus généreux. Son cœur, savez-vous, pesait 25 livres. Et il y a de l'oignon, mesdames, dans mon boudin. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas mangé ni les grands fauves, ni les singes, parce qu'ils ressemblaient trop à l'homme. Jean Vito. Alors c'est Théophile Gautier qui raconte qu'au début du siège, il y en avait qui avaient pensé des choses extraordinaires pour défendre Paris, c'est-à-dire de lancer dans les bois autour de Paris les grands fauves pour qu'ils mangent des Prussiens, ou d'inoculer la rage à des chiens pour qu'ils mordent les Prussiens. Ça n'a pas été mis en œuvre, mais on ne manquait pas d'imagination. J'ai oublié de vous parler de cette horrible graisse qu'on nous vendait aux morceaux comme des carrés de savon. Je n'ai jamais rien vu de plus infect. Comme tout le monde, j'en ai acheté. Mais une fois seulement. Je voulus la faire fondre. L'odeur était tellement épouvantable qu'on se serait cru dans une fabrique de chandelles lorsque le suif est en ébullition. On me conseilla d'y ajouter une gousse d'ail pour purifier ma graisse. Toute la nourriture devenait si répugnante, c'était presque un désespoir de penser à manger. À partir de début janvier, la guerre se fait très présente, surtout à partir du 5 janvier, qui est la date de début des bombardements allemands sur Paris. Pierre-Louis Poyot. Puisque des maisons sont détruites dans Paris, les gens commencent à vivre dans la peur de voir un boulet s'écraser près de chez eux. On a beaucoup de bombardements dans le 5e arrondissement, notamment, vers Saint-Germain et Saint-Michel. Les Allemands essaient de viser aussi le centre de Paris, puisque ça permet de montrer qu'ils peuvent atteindre Paris en tous ses points. Et d'instiller un sentiment de découragement et de peur au sein de la population. Paris est encerclé par les troupes prussiennes, qui installent donc de grands canons au nord et au sud de Paris. Et ce sont donc ces canons qui tirent des boulets un peu à l'aveuglette dans Paris, sans énormément de précision. Ils parviennent quand même à instiller la peur au sein de la population parisienne. Janvier. Comme je remontais la rue d'Assas, j'entends tout à coup un sifflement étrange, fouettant, déchirant l'air qui passait au-dessus de la rue Vavin, et qui fut suivi d'une formidable détonation. Il n'y avait point à se faire d'illusions. C'était un obus qui venait d'éclater. Je continuais ma route en serrant de plus près le pied des maisons. Je rentrais chez moi et me couchais. Mais l'air est plein de serpents. Les obus passaient sans cesse au-dessus de la maison. Il était impossible de s'endormir au son de ces messagers de mort. Paris a subi le siège, 138 jours de siège, et de très nombreux Parisiens ont l'impression que finalement ils ont subi ce siège pour rien. Laure Godinot. Puisque l'armistice est signé. Il y a la perte de l'Alsace, d'une partie de la Lorraine, donc l'amputation du territoire français. Il est prévu aussi une forte indemnité. Et puis, Bismarck veut négocier avec un gouvernement définitif, puisqu'on est toujours dans le cadre d'un gouvernement provisoire. Et il est prévu qu'on organise des élections très rapidement, des élections législatives. Or, ces élections législatives se présentent mal. Et de fait, elles vont aboutir à une majorité monarchiste à l'Assemblée. Donc tout ceci crée des conditions qui vont renforcer l'opposition parisienne. Vendredi 27 janvier. On dit que l'armistice est signé. Il y a suspension d'armes. On va faire des élections. Un gouvernement avec qui la Prusse voudra bien traiter. Voilà donc la fin de cette terrible guerre. Et quelle fin. Nous nous rendons. Nous voyons que nous sommes impuissants. Que nous ne pouvons rien contre cette armée prussienne si nombreuse et si expérimentée. Ce qui a laissé une mémoire dans l'imaginaire des Parisiens, c'est visiblement, il y a trois choses qui ont laissé une mémoire. La première, c'est qu'on ait mangé du cheval. Jean Vito. Mais ça, finalement, c'est bien passé. La deuxième, c'est qu'on ait mangé du rat. Alors, certains, pendant le siège de Paris, disent qu'ils prenaient un malin plaisir à manger du rat pour que cela soit rapporté aux Prussiens qui assiégeaient Paris, en leur disant que comme ça, on leur faisait croire qu'on était au bord de la famine. Et puis, la chose qui reste dans l'imaginaire, c'est les éléphants. Castor et Pollux, ça, c'est resté. On a même déposé une plaque au muséum à leur mémoire. À Paris, il y a eu quand même un personnage intéressant qui s'appelait Monsieur Gagne. Monsieur Gagne avait publié dans un journal, et plusieurs commentateurs en font part, dont Madame de Witt, qui était la petite fille de Guizot, qu'il proposait de recourir à la philanthropophagie. Monsieur le citoyen rédacteur, Paris est aujourd'hui le grand vaisseau de la Méduse et va mourir sottement de faim. Pour s'arracher aux griffes de la famine et faire remporter tous les triomphes, je demande, à grands cris, l'établissement de la philanthropophagie, c'est-à-dire la mendication fraternelle de l'homme par l'homme. Je demande que le gouvernement rende un décret qui déclare que tous les hommes et les femmes âgés de plus de 60 ans seront mis à la retraite de la vie et livrés à la boucherie humaine. J'ose espérer que le gouvernement donnera l'exemple sans condition d'âge et sacrifiera glorieusement sur l'autel de la philanthropophagie tous ceux de ses membres qui ont mérité cet honneur suprême. Mais alors, il y a un polémiste célèbre qui s'appelait Touchatou, qui a écrit l'histoire tintamarresque du Second Empire, qui fait remarquer que le plus intéressant dans cette histoire, c'est que M. Gagne avait 64 ans. Merci à Laure Godineau, Jean-Michel de Rex, Jean Vito et Pierre-Louis Poyot. Lecture, Anne Stephens, Vincent Bramouillet. Mixage, Pierre Monteil. Festin de siège, Paris 1870, La viande dans tous ses états. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Thomas Duterre. Voilà pour ce documentaire que vous pouvez bien entendu réécouter sur le site de France Culture ou télécharger. Vous pouvez également le commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous continuons notre histoire des relations des hommes et des femmes à la viande en nous intéressant au cannibalisme et à l'anthropophagie à l'occasion de la parution ces temps-ci de deux ouvrages sur ce sujet.